il reste l'espoir, un avenir à deux? Est-ce que tu penses qu'il est trop tard? J'ai mis du temps à dire tout ce que je ressens. Donc je ne veux pas vivre mon présent à l'imparfait. L'homme parfait, mais je reste honnête. Ils prétendront t'aimer, tenteront de te faire m'oublier. N'écoute pas leurs disquettes. Et si t'as le choix, prends quelqu'un qui prend soin de toi. Prends garde à tous ces mecs qui veulent juste avoir dans leurs bras. Et sache qu'aucun homme ne te fera l'amour comme moi. Je connais tes valeurs, je n'ai aucun doute sur ça. Que ta vie est mieux sans moi. Je veux pas te faire perdre ton temps. Je n'ai pas de nouvelles. Tu ne réponds plus à mes appels. Je commence à perdre espoir. Je ne veux pas vivre dans le